l'histoire économique du Canada. Une série de 25 émissions examinant certains aspects du développement de la socio-économie indienne depuis ses origines jusqu'aux années 1980. Ici Gilles Paquet. Au cours de la dernière émission, nous avons examiné les transformations de la socio-économie canadienne au tournant du XXe siècle, durant cette période qu'on en est arrivé à baptiser le boom du blé. Nous avons vu comment une conjoncture internationale favorable, des changements techniques importants et des politiques gouvernementales se sont conjugués pour enclencher une croissance extensive de l'économie canadienne de la fin du 19e siècle jusque dans la seconde décennie du 20e siècle. Mais cette période voit aussi s'amorcer un changement dans le contexte international du Canada, dans les rapports de l'économie canadienne avec le reste du monde. Aujourd'hui, dans la 18e émission de notre série, nous parlerons des rapports nouveaux avec les États-Unis au début du 20e siècle. Entre 1880 et 1920, le Canada modifie ses rapports commerciaux avec le reste du monde. En 1880, 50% du commerce extérieur canadien se fait avec la Grande-Bretagne, 40% avec les États-Unis. En 1920, le commerce avec la Grande-Bretagne représente moins du quart du commerce extérieur canadien et nous achetons près de 70% de nos importations aux États-Unis. En 1900, 85% du capital étranger investi au Canada vient du Royaume-Uni. En 1920, c'est seulement la moitié qui vient de Grande-Bretagne et pas moins de 45% des États-Unis. Non seulement le commerce extérieur et les flux de capitaux étrangers sont-ils réorientés vers les États-Unis, le jeune mouvement syndical canadien est lui-même influencé d'une manière fondamentale par le mouvement syndical américain. Le tournant du siècle est une période de syndicalisation importante. Entre 1897 et 1902, le nombre des travailleurs syndiqués passe de 20 à 70 000. Le nombre des unités syndicales triple au Canada et quintuple en Colombie-Britannique. Tout cela sous le coup de l'entrée sur la scène syndicale canadienne de l'American Federation of Labor, qui envoie ses premiers organisateurs au Canada à la fin des années 1890. La domination nouvelle des syndicats canadiens par l'American Federation of Labor devait être consacrée à la Convention du Congrès des métiers et du travail du Canada en septembre 1902 à Berlin, l'ancien nom de Kitchener, en Ontario. Par un vote de 89 contre 35, le Congrès adoptait une modification à sa constitution qui suggérait que l'on ne reconnaisse aucun syndicat national là où existe un syndicat international. C'était la fin des Chevaliers du Travail, la fin du Congrès des métiers et du travail du Canada et le commencement de la domination des syndicats internationaux, c'est-à-dire des syndicats américains au Canada. Cette glissade vers le contrôle américain se fait malgré le fait qu'en 1897, après un hiatus d'un demi-siècle, depuis l'abolition des Corn Laws et des Navigation Laws dans les années 1840, le Canada va réétablir un vaste système de traitement préférentiel pour le commerce avec la Grande-Bretagne et l'Empire britannique. Il s'agit d'une réduction substantielle et unilatérale de un quart à un tiers en 1898 et en 1900 des tarifs douaniers sur les importations de produits en provenance de l'Empire. Mais les forces d'intégration économique en Amérique du Nord vont être les plus fortes, puisque la proportion des importations canadiennes en provenance des États-Unis atteint les 60% dans la première décennie du XXe siècle. Le gouvernement libéral de Wilfrid Laurier, qui a pris le pouvoir en 1896, avait espéré construire des accords de réciprocité avec les États-Unis dans les dernières années du 19e siècle. Et tout au long de cette période, Wilfrid Laurier va chercher à mettre au point un dosage de protectionnisme et de libre-échange qui puisse satisfaire sa clientèle politique bariolée. Richard Clippingdale est professeur d'histoire à l'Université Carleton et un spécialiste de la période Laurier. Pour la base du Parti libéral, les fermiers de l'ouest de l'Ontario, les fermiers dans les régions agricoles du Québec et pour les maritimes, il est très important de rester avec une politique d'échange avec les États-Unis dans les termes possibles. Mais ce ne sont pas les termes possibles dans cette période, parce que les Américains ont décidé d'avoir une politique très, très protectionniste, spécialement contre les produits naturels. Et à sept ans, l'ouverture du marché britannique donne à M. Laurier, chef du parti, l'opportunité de dire « Nous pourrons avoir l'échange plus considérable avec les Britanniques et nous cherchons dans l'avenir la réciprocité si possible avec les Américains. » C'est une situation pour cette partie très favorable. Il a l'appui considérable des manufacturiers parce qu'il reste avec le tarif protectionniste contre les États-Unis sur les produits fabriqués au Canada et il cherche toutefois les marchés pour les produits naturels. C'est peut-être comme en anglais « squaring a circle ». C'est une situation magnifique pour une politique, pour un politicien. Défendre le protectionnisme pour les intérêts manufacturiers, défendre le libre-échange pour les intérêts dans les produits naturels, est-ce que ce paradis politique qui permet de défendre des contraires va pouvoir continuer longtemps, M. Clippingdale? Non, pas longtemps, parce que les manufacturiers britanniques désirent une ouverture dans notre marché. Nous avons donné une préférence pour la Britannique. Immédiatement avant, M. Laurier a pris le pouvoir. C'est une préférence symbolique, mais si les Britanniques désirent une préférence plus que symbolique, nos manufacturiers sont contre ça. Et c'est un problème. Plus que ces relations avec l'Empire deviennent réelles et majeures pour les manufacturiers, plus que ces manufacturiers pressent pour n'aller pas dans cette direction. On va donc forcer Laurier à faire un choix, oui, entre protectionnisme et libre-échange. Oui. Et c'est le moment où Laurier va peut-être penser à son ancienne idée de faire la réciprocité avec les États-Unis. Oui, et dans le nouvel siècle, les Américains ont cherché des produits naturels moins chers. Et le mouvement réformiste dans le Parti républicain et dans le Parti démocratique on cherchait une réduction du tarif, spécialement dans les produits du Canada. Et pour les raisons américaines, les Américains cherchent un traité, un accord de réciprocité avec le Canada, dans les termes désirés par le Canada pour trois décennies dans le passé. La réciprocité seulement sur les produits naturels et pas de réciprocité dans les produits manufacturiers. C'est peut-être la solution parfaite pour M. Laurier. Mais il y avait des problèmes graves parce que ces pressions avant le traité avec les États-Unis de 1911 n'étaient pas complexes par l'Association canadienne des manufacturiers. Ils ont dit à Laurier, ne touchez pas la protection sur les produits manufacturiers. Pas de problème de Laurier. Mais après les termes était annoncé. C'est une période de réflexion. Et puis, les manufacturiers, le Montréal et Toronto Board of Trade, ont annoncé qu'il y aura un désastre. S'il y aura un traité de réciprocité limité aux produits naturels seulement, il y aura des lignes d'échange qui développeront dans l'avenir. Et les grands intérêts canadiens, les banques, les compagnies comme National Trust, les grandes compagnies de retail comme Eaton's, ils sont aussi les grands intérêts dans les qui donnent les finances pour les manufacturiers et aussi les compagnies qui donnent les finances pour les grands chemins de fer. Et si les lignes d'échange à court, nord-sud et par est-ouest, ce sera une situation efficace pour les grandes lignes de transport et les banques et les compagnies de trust, etc. Est-ce que, en fait, le gouvernement Laurier va être renvoyé pour ces raisons? Absolument, et spécialement dans l'Ontario, la province centrale pour ses intérêts, la province centrale pour l'avenir d'un gouvernement comme Laurier. Laurier possède beaucoup d'appui dans l'Ouest, mais l'Ouest, dans cette période, n'est pas si important que l'Ontario et le Québec. Et dans le Québec, le château fort pour le Parti libéral, le parti a perdu assez de pouvoir à M. Bourassa pour des autres raisons nationalistes, raciales, religieuses, etc. Puis l'appui minoritaire des grands intérêts dans l'Ontario, c'est absolument nécessaire, M. Laurier. Et il a perdu cet appui totalement. Le Toronto Board of Trade a voté contre son projet 309 contre 13. Et c'est une mesure de cette situation. La défaite de Laurier en septembre 1911 peut avoir représenté un rejet de son projet de réciprocité économique avec les États-Unis. Mais il y a déjà commencement d'intégration économique avec les États-Unis dans les faits. Environ 40% des expéditions de marchandises en provenance des États-Unis entrent au Canada en franchise. Et les investissements directs du capital américain commencent à grimper en réponse au différentiel de taux de profit en faveur du Canada dans l'après-1907, moment où il y a récession aux États-Unis. L'influx de capital américain, qui était bien au-dessous des 200 millions de dollars par année en 1900, dépasse les 500 millions par année en 1910, atteint le milliard en 1915 et dépasse les 2 milliards en 1920. 70% du capital américain qui arrive au Canada entre 1900 et 1913 arrive après 1907. Ce capital américain s'incarne dans des filiales et des succursales de plus en plus, encore que le pourcentage du capital industriel contrôlé par les Américains demeure avant la Première Guerre mondiale seulement entre 10 et 15%. Mais ces investissements sont dans des secteurs industriels nouveaux, ce qui va donner un avantage stratégique à ces entreprises contrôlées des États-Unis par rapport aux entreprises canadiennes davantage centré sur les secteurs industriels traditionnels. Alors qu'avant 1900, on évalue à une soixantaine les établissements industriels contrôlés par les Américains, ce nombre grimpe à quelque 300 avant la Première Guerre mondiale. Bernard Bonin, un économiste à l'École nationale d'administration publique, est un spécialiste des firmes plurinationales. Les premières implantations véritables de ce qui serait aujourd'hui les entreprises multinationales modernes, on les place habituellement autour des années 1860-1870. Alors là, vous avez vu apparaître quelques-unes des entreprises qui sont effectivement devenues de grandes multinationales. L'Imperial Oil, par exemple, s'est implanté ici en 1860. General Electric, ou son ancêtre en tout cas, et Westinghouse sont arrivés à peu près en même temps. Et vous avez eu aussi quelques autres exemples qui sont apparus déjà un peu avant celle-là dans le développement des télécommunications. Ça a été le début de la tendance, qui devait ensuite de ça vraiment se répéter à plusieurs reprises, le début de la tendance qui a consisté à découvrir que l'extension d'activités américaines au nord de la frontière canadienne avait un sens. On disait, bon, on a déjà développé un minimum d'expertise chez nous, et puis on va aller exploiter cette expertise-là. Et ici, ça a été favorisé, bien sûr, pas pour les implantations d'avant 1879, mais après 1879, ça a été favorisé par ce qu'on a appelé la politique nationale canadienne, qui en fait en sorte que le Canada est devenu plus protectionniste. Et là, un certain nombre d'entreprises se sont dit, si on veut continuer à vendre dans ce marché-là, il va falloir qu'on aille s'implanter là-bas. Et puis plus tard, vous avez eu d'autres mesures gouvernementales, comme le développement de l'industrie de la pâte de bois et du papier ici au Canada, mais surtout le papier journal, a été certainement facilité par l'imposition d'embargo à l'exportation du bois coupé sur les terres de la couronne. On voulait pas que le bois soit exporté de façon brute aux États-Unis. Alors l'Ontario a commencé en 1900, la première, à imposer un embargo là-dessus, et toutes les provinces ont suivi, ou à peu près, le Québec étant une des dernières en 1910. Et là, vous avez vu apparaître, évidemment, Ça a été une autre incitation à ces entreprises-là à venir s'implanter ici pour faire la transformation de la matière première sur place. Alors, ce sont tous des facteurs comme ça. Le facteur principal étant toujours, ou bien il y a un marché à exploiter là-bas, et il vaut mieux y aller parce que des obstacles nous empêchent de vendre à partir de notre pays d'origine. Ou bien, un autre élément important, c'est qu'on a développé une expertise, un produit original, et il vaut mieux aller l'exploiter sur place pour éviter que d'autres concurrents se développent. Après cette première lancée dans la fin du 19e siècle, M. Bonnet, c'est vraiment au tournant du 20e siècle, dans les années 90 et 1900, qu'on voit l'accélération de ce mouvement d'implantation. La première période qu'on peut qualifier d'assez exceptionnelle du point de vue de l'investissement étranger au Canada correspond effectivement au tournant du siècle 1896 à 1914 à peu près, qui est non seulement tout le développement des prairies et de l'agriculture, dans lesquelles il n'y a pas eu beaucoup de capital étranger, mais l'infrastructure nécessaire cependant pour sortir ce blé et ces céréales de l'Ouest, c'est-à-dire les chemins de fer et les ports et tout ça, ça a été fait largement avec du capital étranger. Ça a été encore, malgré tout, surtout du placement de portefeuille à cette époque-là. Mais il y a eu évidemment un certain nombre d'implantations qui ont suivi. Singer, par exemple, qui est peut-être le premier exemple de multinationalisation véritable d'une entreprise, surtout du côté de l'Europe. Ben, Singer, déjà, dans ces époques-là, était déjà implanté au Canada. Donc, il y en a eu plusieurs. Il y a eu un assez grand nombre de découvertes minières importantes à cette époque-là qui ont entraîné encore là beaucoup d'investissements étrangers. Alors ça, c'est votre première période, là, véritablement, assez exceptionnelle du point de vue des implantations. Caractéristiques importantes de l'industrialisation stimulée par la politique nationale de 1879, on l'a dit, c'est la mise en place d'une stratégie industrielle de substitution de la production locale aux importations. Cette stratégie avait donné lieu évidemment à un certain influx de capital américain au Canada par des entreprises américaines tentant de contourner les barrières douanières en créant des installations, des succursales canadiennes. Mais avec le tournant du 20e siècle, apparaît en parallèle avec cette industrialisation centrée sur les grandes villes, une autre vague d'industrialisation basée sur la transformation des ressources naturelles, une industrialisation orientée vers les grands marchés d'exportation. Le capital américain entre dans cette industrialisation nouvelle qui se fait dans le cadre d'un schéma continental. Il vient accélérer le développement de l'économie canadienne dans des directions qui complètent la structure de production américaine. Mais c'est un développement tronqué, si on peut dire, dans la mesure où il y a transformation, mais transformation limitée de ces ressources naturelles sur place. Une seconde économie industrielle pousse dans le Canada central, une économie industrielle à la périphérie, bâtie sur les ressources naturelles du bouclier canadien, et qui frappe l'imagination des contemporains, parce que gigantesque, créant des barrages et des usines dans ce qui était auparavant un milieu de colonisation ou un désert économique dans les nords québécois et ontariens. En fait, cette vague d'industrialisation a tellement frappé l'imagination des contemporains et des chercheurs dans la première moitié du XXe siècle qu'on en est arrivé à parler pour le Québec d'une industrialisation qui ne serait venue qu'avec cette implantation de la transformation des ressources naturelles, oubliant l'autre industrialisation, moins visible, cachée dans les villes, celle dont on a parlé plus tôt dans cette série. Le dilemme que va poser cette nouvelle industrialisation au gouvernement du Canada, c'est que pour qu'elle s'accomplisse plus pleinement au Canada, pour qu'on exporte des ressources naturelles davantage transformées vers l'économie américaine, créant ainsi plus d'investissements, plus d'emplois au Canada, il faudra imposer des contraintes à l'entrepreneurship et au capital américain. Déjà en 1891, la Colombie-Britannique défend l'exportation du bois brut coupé sur les terres de la couronne. En 1897, le gouvernement fédéral impose une taxe à l'exportation sur le bois de pulpe qui sert à produire le papier. Paul-André Linteau est professeur au département d'histoire à l'Université du Québec à Montréal et il a étudié ce nouveau type d'industrialisation. Un type tout à fait nouveau d'industrialisation apparaît à ce moment-là et au Québec et dans d'autres provinces du Canada comme l'Ontario. C'est une industrie liée à l'exploitation des richesses naturelles et liée à l'exportation vers des marchés étrangers. Avant 1896, à peu près toute l'industrie canadienne se spécialisait dans la réponse aux besoins du marché intérieur canadien. La production canadienne était assez peu exportée à l'étranger. Et la seule grande industrie vraiment liée à l'exploitation des richesses naturelles, c'est celle du bois, des scieries. Il y a transformation de richesses naturelles de type agricole avec le beurre et le fromage, et les industries de ce genre-là. Mais on peut dire que le gros de la production canadienne était donc centré sur le marché intérieur. À partir du tournant du siècle, il y a une demande nouvelle et très forte pour un certain nombre de richesses naturelles qui sont disponibles ici et qui vont amener le développement ou l'apparition d'un tout nouveau type d'industrie. Un des facteurs déterminants à cet égard, c'est le développement de la production hydroélectrique. La production d'électricité pour des fins commerciales, c'est un phénomène qui est tout à fait nouveau en Amérique du Nord à ce moment-là. Edison construit sa première station électrique centrale dans les années 1880 à New York. Et dans un premier temps, on produit de l'électricité à partir du charbon principalement. Et c'est seulement vers la fin du 19e siècle qu'on a découvert les possibilités de l'eau pour la production d'électricité en grande quantité et qu'on réussit à la produire et à la transporter, à la rendre disponible. Le premier grand barrage en Amérique du Nord, c'est le barrage construit aux États-Unis à Niagara Falls, qui est terminé en 1895. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que seulement 2 ans après la fin de la construction de ce barrage-là, on met en chantier le barrage de Shawinigan au Québec, qui devient aussi l'un des grands barrages en Amérique du Nord. Shawinigan devient l'une des grandes centrales hydroélectriques d'Amérique du Nord. Donc, on voit que le Québec est intégré dans un courant nord-américain très, très rapidement. Le Québec passe à l'ère hydroélectrique très rapidement au tournant du siècle. Et l'hydroélectricité, donc, qui est développée très rapidement à ce moment-là, va devenir la base de nouvelles implantations industrielles au Québec. Par exemple, dans le domaine de l'électrochimie et de l'électrométallurgie. L'électrométallurgie, l'exemple connu, c'est l'aluminium. La matière de base de l'aluminium, elle nous vient de très loin, elle nous vient de la Guyane. Mais il se trouve que l'électricité est essentielle pour transformer cette matière de base, la bauxite, en aluminium. Et comme il est plus facile de transporter la bauxite là où est l'électricité que de transporter l'électricité là où est la bauxite, l'industrie de l'aluminium va s'établir très rapidement au Québec. D'abord à Shawinigan, et ensuite, dans les années 1920, au Saguenay. Et avec de nouveaux développements dans les années 1940, toujours au Saguenay, avec la création d'Arvida et des grandes installations de l'Alcan là-bas. Alors ça, c'est un exemple de cette nouvelle industrie qui, contrairement à la précédente, n'est pas installée près des grandes villes, mais plutôt dans les régions un peu à la périphérie de l'espace habité, là où sont les ressources naturelles. Autre exemple est particulièrement important pour le Québec, c'est celui des pâtes et papiers. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les Américains produisaient suffisamment de papier pour leurs besoins, en particulier de papier journal. Mais l'apparition aux États-Unis de la presse à sensation et à grand tirage, destinée à un marché urbain et à une population, une consommation de masse en ville, L'apparition du phénomène de la publicité systématique dans les grands journaux va faire que les journaux qui, au 19e siècle, avaient souvent 4 ou 6 pages ou 8 pages au mieux, vont devenir ces énormes journaux qu'on connaît maintenant avec de nombreux cahiers et publiant en fin de semaine 50, 60, 70 pages facilement. Et la demande de papier journal va se multiplier à une vitesse extrêmement rapide à partir du début du 20e siècle. Les Américains ne peuvent plus suffire à la demande. On possède au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, un type de bois avec l'épinette qui répond bien à la fabrication de papier journal, de sorte qu'en l'espace d'une vingtaine d'années, le gros de la fabrication de papier journal pour les besoins nord-américains, aussi bien au Canada qu'aux États-Unis, va se déplacer vers le Canada. Et au cours des années 20, le Canada va produire 80% de la demande nord-américaine de papier journal. Et cette industrie des pâtes et papiers va être en bonne partie concentrée au Québec, qui va produire peut-être la moitié de la production canadienne de papier journal. Pour nommer cette réalité nouvelle de l'industrialisation dans les régions périphériques, une industrialisation qui procède en parallèle en Ontario et au Québec, on va parler du New Ontario, du Nouvel Ontario, une région où il va pousser des usines de pâte et papier, des mines, des centrales hydroélectriques. En fait, l'hydroélectricité est au centre de ce nouvel industrialisme et ses progrès vont être d'autant plus rapides dans le premier quart du siècle en Ontario qu'il y a famine de charbon. C'est l'expression qu'on utilise en 1902 quand tout d'un coup, la tonne de charbon à Toronto passe de 5 $ au printemps de 1902 à 10 $ la tonne en octobre de la même année. Voilà qui crée autour de l'électricité presque un mythe et qui explique aussi le combat épique autour du contrôle des chutes Niagara et la création, très tôt, de l'Hydro-Ontario. Almosh Tachoni est un économiste historien de Pickering en Ontario qui a étudié de façon particulière le développement économique de l'Ontario au tournant du 20e siècle. On parle du Nouvel Ontario comme la région au nord du Sudbury, Sudbury peut-être le plus sud du Nouvel Ontario. Alors, c'était la région exploitée pour les ressources de leurs mines, des forêts. Et à l'époque, on avait eu des grandes espérances pour le Nouvel Ontario comme une nouvelle frontière de l'agriculture et de l'investissement, particulièrement pour les entrepreneurs de Toronto. Mais cet espoir a tourné court. Ah oui, particulièrement pour l'agriculture. Les autres ressources ont servi comme base pour le Toronto et son excellence financière et son croissance comme ville. Ce Nouvel Ontario, est-ce que vraiment on peut définir à quel moment il va devenir important dans la socio-économie ontarienne, M. Tachoni? Le commencement de cette colonisation dans ces régions-là a été induit par la construction des chemins de fer, le réseau canadien Pacifique et le réseau canadien national, ou les autres chemins de fer qui ont été la base pour la création du Canadien national. Mais vraiment, c'était après le tournant du siècle qu'on avait eu la grande croissance du nord de l'Ontario comme région économique. C'est-à-dire qu'avec cette base de ressources assez riche et aussi l'accès à la charbon du Pennsylvanie par le réseau des Grands Lacs, qu'en Ontario, on avait eu la création de cette base manufacturière qui a pu répondre aux besoins créé par la Grande Guerre mondiale et l'après-guerre. Et c'était à cause de ces ressources du Nord et aussi de l'agriculture et la productivité de l'agriculture au Sud qu'on avait ce rôle important en Ontario, dans l'économie canadienne. Et est-ce qu'on peut caractériser, M. Tachoni, les rapports entre le gouvernement et le milieu des affaires en Ontario au tournant du 20e siècle? On peut parler de paternalisme parce qu'il n'y avait vraiment aucun conflit idéologique. Même s'il y avait cette élection, on avait eu l'élection du United Farmers of Ontario pendant cette époque-là qui ont été un peu opposés à la tarif du douane et autres choses. Et puis c'est... avait eu l'élection du United Farmers of Ontario pendant cette époque-là, qui ont été un peu opposés à la tarif du douane et autres choses. Et puis c'était eux qui ont créé Ontario Hydro et plusieurs autres corporations de la Corinne. Mais c'était pas une question de, disons, de socialisme ou d'un conflit entre la politique et les intérêts des entrepreneurs. On avait créé le Hydro comme une autre entreprise et c'était la même chose pour le Témiscamingue et Ontario Railway. Alors, à cette époque-là, c'était une chose assez naturelle d'avoir des types de corporations qui ont eu une existence comme aucune autre presque corporation de l'époque. Et il faut noter que le gouvernement était fortement intéressé à promouvoir les intérêts du business. Et on n'avait pas monté des obstacles comme tels. Il y avait un manque des lois gouvernant les conditions de travail, disons, ou l'organisation des syndicats ou toutes ces autres choses qui ont venu en Ontario pendant les années 20, les années 30. Si le secteur des pâtes et papiers est fort justement cité comme un beau cas de l'industrialisation nouveau genre et un exemple de l'intervention efficace des gouvernements pour assurer une transformation plus grande des ressources naturelles au Canada, c'est aussi un bel exemple des changements dans la nature des entreprises au Canada dans le premier quart du 20e siècle. Bel exemple aussi des pratiques du monde des affaires pour réduire la concurrence et maintenir le niveau de profit. Georges Niozzi est un spécialiste de sociologie économique qui enseigne à l'Université du Québec à Montréal. Il a étudié l'une des premières entreprises modernes installées au Québec dans le secteur des pâtes et papiers, la société Laurentide, une société qui va devenir la plus grosse entreprise canadienne de papier journal dans le premier quart du 20e siècle. Georges Niozzi. La Laurentide a été fondée par un certain nombre d'hommes d'affaires américains pour produire de la pâte et du papier journal au Québec. Et elle est devenue, au bout de quelques années, la plus grande compagnie de papier au Canada. Alors, cette société exportait la majorité de sa production aux États-Unis. C'était une époque, de 1887 jusqu'aux années 20, une époque où le secteur des pâtes et papiers était relativement concurrentiel. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs dizaines de compagnies au Canada qui produisaient du papier et qui l'exportaient en majorité aux États-Unis. Les producteurs canadiens des pâtes et des papiers ont utilisé divers moyens pour réduire cette concurrence qui était, à leur avis, excessive. Il ne faut pas oublier que les prix du papier journal a décliné tout au long de la vie de Laurentide, à savoir 1887 jusqu'en 1928. Alors, les producteurs de papier journal ont utilisé trois moyens pour réduire cette concurrence. La première, c'était les ententes sur les prix. Par exemple, il y a eu en 1902 une commission d'enquête dirigée par le juge Henri Taschereau qui a montré que les 26 producteurs de papier journal d'époque s'étaient mis d'accord pour éviter, pour réduire la chute des prix. Et ils avaient même réussi à augmenter les prix du papier journal. Alors ça, c'est, si vous voulez, la première étape qui va jusqu'aux années 1910 environ, et pendant lesquelles les producteurs de papier journal, dont la Laurentide était un des chefs de file, se mettaient d'accord, je dirais, d'une façon intermittente, puisqu'il y avait toujours une ou deux compagnies qui finissaient par détruire le cartel des prix. Une deuxième période, c'est au cours des années de 1910 jusqu'en 1925 à peu près, était celle où les principaux producteurs se sont mis d'accord pour établir des compagnies de vente communes. Alors, chaque groupe de producteurs, les principaux producteurs canadiens, ont mis sur pied des cartels d'exportation en réalité. C'était des compagnies plus ou moins fictives qui achetaient la production de la compagnie et qui la vendaient sur les marchés externes. Les marchés externes étaient évidemment étant les États-Unis. Et là encore, il y a eu des commissions d'enquête, aux États-Unis en particulier, qui ont montré que les principales compagnies canadiennes avaient une collusion via des sociétés de vente qui n'existaient que presque en papier, mais qui leur permettaient d'uniformiser les prix. Et évidemment, les prix canadiens suivaient cette tendance américaine. Et il y a finalement eu une troisième étape, à savoir celle qui commence entre les années 1923-24, à la fin de la crise d'après-guerre, et qui va jusqu'à la grande crise mondiale, de 1929 à 1933, Et là, cette période-là est la période où les producteurs de papier journal se fusionnent. Et ils n'ont trouvé finalement qu'une seule façon pour contrôler les prix du papier journal, à savoir de se concentrer, de se fusionner. Et à ce moment-là, Laurentides va se fusionner avec 4 autres grandes sociétés pour former la Canada Power and Paper, qui est devenue à ce moment-là la plus grande société canadienne de production de papier journal. Et le même processus s'est produit dans bien d'autres secteurs d'activité. Vous avez la même chose dans l'acier, où finalement les 4 grands laciers de l'époque, à savoir Dosco, Stelco, Algomastil et Dofasco, sont nés pendant la même période. De la même façon qu'il ne restait plus que 100 grandes compagnies de papier au moment de la crise, de la même façon que vous avez dans la distillerie, on est sorti avec 2 grandes compagnies, Seagram et Hiram Walker, Woodham et Wirtz. Et dans tous les secteurs, encore une fois, à contrôle canadien, les financiers canadiens ont joué un rôle très important. L'économie canadienne se transforme et si ses rapports avec les États-Unis changent dans ce premier quart du 20e siècle, Montréal et Toronto demeurent les grands pôles financiers du Canada central. En fait, Montréal va accroître son espace économique tant par ses efforts pour contrôler la direction des activités économiques vers l'ouest que pour établir son hégémonie économique dans les provinces maritimes. Dans les maritimes, comme ailleurs au pays, la concurrence, la surproduction et les guerres de prix au tournant du 20e siècle vont donner lieu à des vagues de consolidation d'entreprises qui vont faire que le gros du secteur manufacturier des maritimes va passer sous le contrôle de sociétés et d'entreprises du Canada central dans les débuts du 20e siècle. T.W. Acheson pourra écrire qu'en 1914, les maritimes sont devenus une « branch plant economy ». Cette croissance du pouvoir hégémonique de Montréal et Toronto, qui contrôlent beaucoup, directement et indirectement pour leurs partenaires américains, le développement économique dans les régions périphériques, elle se fait en parallèle avec la concentration des entreprises industrielles et l'urbanisation accélérée. Entre 1900 et 1913, on est donc, diront certains, en pleine période de prospérité. C'est le boom du blé et la croissance économique est exponentielle. Mais il y a un revers à cette médaille. L'urbanisation accrue a aussi engendré la croissance d'un prolétariat urbain dans les grandes villes canadiennes. Et ce prolétariat ne va pas vivre les 1900-1913 comme une période de prospérité. Selon le rapport du comité d'enquête sur le coût de la vie, rendu public en février 1916, le salaire des journaliers à Montréal a augmenté de 12,5% entre 1900 et 1913. Alors que le coût du budget typique de nourriture augmentait de 32,7% et que le niveau des loyers augmentait d'environ 25%. Pour les ouvriers non spécialisés donc, il est clair que le revenu réel à Montréal tombe durant cette période. Quand on considère tous les salariés pour tout le Canada, le rapport de 1916 dira que le niveau de vie s'est peut-être maintenu. On est loin de l'euphorie et de l'imagerie de la belle époque. Paul-André Linteau nous trace à gros traits le portrait de Montréal à cette époque. C'est vraiment un portrait en deux volets. Le portrait qui nous est transmis par la presse de l'époque, c'est celui d'une grande prospérité. Cette période, et ce n'est pas seulement vrai à Montréal, c'est dans tout le monde occidental, on l'a appelée la belle époque. Alors, on a l'impression d'une époque où tout va bien, où la prospérité est établie à demeure. Et c'est effectivement la mentalité qui règne parmi les milieux d'affaires. Les milieux d'affaires sont très optimistes. On croit effectivement qu'on est vraiment là, qu'on touche à la prospérité et qu'elle va durer longtemps. Ça se reflète à Montréal dans l'expansion de la ville, dans les projets de développement. Alors, la ville elle-même, elle éclate de toutes parts. Les villes de banlieue se multiplient et plusieurs villes nouvelles sont créées. On peut citer en exemple la petite ville de banlieue de Maisonneuve, qui est créé par une poignée de promoteurs dans les années 1880 qui possèdent de grands terrains, de grandes terres agricoles, là, et qui veulent les subdiviser pour loger des ouvriers, amener des usines, etc. Et c'est vraiment à partir de 1896 que leur projet va fonctionner, avec la croissance économique considérable de l'époque. En 1914, Maisonneuve est devenue la deuxième ville industrielle du Québec après Montréal, pour la valeur de la production. Il y a donc un grand nombre d'usines qui sont venues s'établir à Maisonneuve. Or, à peu près toutes ces usines n'ont pas été créées de toutes pièces en s'installant à Maisonneuve. Elles existaient déjà, c'était des entreprises établies à Montréal, qui, au tournant du siècle, à cause de la croissance phénoménale de la demande, ont besoin d'étendre leurs installations, de construire une nouvelle aile ou une nouvelle usine. Et à ce moment-là, choisissent de déménager vers la banlieue parce que les terrains sont moins chers, parce que les villes de banlieue offrent des exemptions de taxes, etc. Alors, il y a un déménagement d'une partie de l'entreprise montréalaise vers les nouvelles villes de banlieue. Après avoir voulu faire de Maisonneuve le grand centre industriel, on va parler de la Pittsburgh du Canada à propos de Maisonneuve, les dirigeants municipaux vont vouloir lancer de grands projets d'aménagement, construire de grands boulevards avec des arbres, aménager un très grand parc, le parc Maisonneuve, qui va être dédié aux activités sportives et culturelles. On veut faire de Maisonneuve le jardin de Montréal. Alors là, il y a des préoccupations esthétiques et on va dépenser plusieurs millions de dollars, par exemple, à Maisonneuve, pour exproprier les terrains du parc de Maisonneuve. On veut faire une belle ville, une ville un peu monumentale. On construit de grands édifices publics à un coût assez élevé, sans trop se préoccuper des conditions concrètes d'existence de la masse de la population qui est ouvrière. À Maisonneuve, 90% des chefs de famille sont locataires et n'ont pas un mot à dire dans ces aménagements-là. Ils ont le droit de vote pour élire les conseillers, c'est tout. Mais les grandes décisions qui se prennent par règlement, ce sont seulement les propriétaires qui votent là-dessus. Et la masse de la population donc, n'a pas un mot à dire dans ces développements-là. Et on se rend compte qu'à côté de ce beau Montréal en développement, en croissance, de cette prospérité extérieure, il y a un autre Montréal qui existe. Le Montréal du Montréalais ordinaire, des travailleurs qui forment la masse de la population, et que l'historien Terry Kopp a très bien étudié en examinant le salaire, les conditions, le revenu des familles ouvrières, et en examinant d'un autre côté le budget que les associations de charité de l'époque faisaient d'une famille type montréalaise, ce qu'il fallait pour vivre. Terry Kopp a constaté que c'est près de la moitié des familles ouvrières montréalaises qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et que pour réussir à arriver, une famille ouvrière, généralement, ne peut pas compter sur un seul salaire. Si elle n'a que le salaire du chef de ménage, du père de famille, généralement, c'est insuffisant pour vivre. Et qu'il faut mettre au travail d'autres membres de la famille. De sorte qu'on envoie très jeunes les enfants travailler en usine ou dans les magasins. Enfin, on voit de moins en moins, il y en a encore à l'époque des enfants de 9 ou 10 ans qui travaillent en usine, mais en principe, c'est maintenant interdit par la loi, et on en voit de moins en moins. Mais dès l'âge de 13 ou 14 ans, les enfants doivent contribuer aux revenus de la famille, ils vont travailler en usine ou dans des bureaux, et c'est de cette façon-là seulement, ou en prenant des chambreurs dans la maison, ou en trouvant toutes sortes d'expédients que les familles peuvent arriver à joindre les deux bouts, parce que les salaires sont insuffisants pour répondre aux besoins élémentaires. Il y a d'un côté des entrepreneurs qui concentrent les entreprises et qui accumulent des profits, pour reprendre l'expression de l'économiste Daines, absolument fabuleux. Il parlait en particulier des compagnies de services publics à Montréal, comme celle des tramways et celle de l'électricité, qui chargeaient des tarifs extrêmement élevés au monde ordinaire, aux travailleurs montréalais, pour utiliser le tramway, pour avoir de l'électricité, et qui faisaient des profits absolument fabuleux, qui devaient être camouflés dans des opérations de restructuration financière. Autrement, ça aurait été scandaleux. Alors, il y a cette réalité-là d'une masse de la population qui a un revenu insuffisant pour vivre. Et comme le montre Terry Cobb, c'est à ce moment-là que cette insuffisance du revenu affecte toutes les conditions de vie des gens. Si on n'a pas beaucoup d'argent, on achète du ballonné. On ne peut pas acheter des légumes frais, c'est cher les légumes frais. On ne peut pas avoir une alimentation saine et équilibrée. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qui se produit? On est mal alimenté, donc on est plus sensible à la maladie. Et effectivement, dans les quartiers ouvriers de Montréal, on a un taux de mortalité qui est souvent deux fois plus élevé que dans les beaux quartiers comme Westmount ou Saint-Antoine. Et c'est particulièrement grave parce que cette mortalité-là frappe surtout les enfants. Les enfants, entre la naissance et un an, meurent comme des mouches à Montréal, dans les quartiers ouvriers. Il y a facilement un enfant sur quatre ou un enfant sur trois dans le quartier Sainte-Marie ou dans le quartier Saint-Henri qui meurt avant d'atteindre un an. Il y a là des problèmes d'alimentation, des problèmes d'hygiène, mais qui doivent être rattachés à cette insuffisance du revenu. On peut plus difficilement payer un médecin, avoir accès aux services de santé quand on n'a pas de revenu suffisant. Il n'y a pas d'assurance maladie à ce moment-là. Il n'y a à peu près pas de régime public de protection. Même les ouvriers qui, par exemple, sont blessés au travail et ne peuvent plus travailler, ne peuvent pas compter sur des prestations d'assurance. Ça n'est que très graduellement. Et seulement dans les années 20 qu'on établira cette commission des accidents du travail qui existe jusqu'à nos jours. C'est seulement dans les années 20 qu'on mettra ça sur pied, un régime de protection un peu systématique pour l'ouvrier blessé au travail. Le seul recours qu'a l'ouvrier privé de revenus, c'est les organisations de charité, la Société Saint-Vincent-de-Paul pour les catholiques, Ladies Benevolent Society ou d'autres organisations pour les protestants. C'est la philanthropie privée qui devient de plus en plus insuffisante à mesure que la ville s'accroît, que les problèmes sociaux se développent. Ce que le gouvernement va être obligé de reconnaître dans les années 20, en 1921, le gouvernement québécois va voter la loi de l'assistance publique parce que la charité privée, les communautés religieuses, c'est devenu insuffisant pour prendre soin du nombre très élevé de gens complètement démunis. Et encore, on ne parle que des gens complètement démunis dans cette loi de l'assistance publique, ce qu'on appelle les indigents. Ça veut dire que les autres, qui ne sont pas complètement démunis, mais qui vivent un peu sous le seuil de pauvreté, mais qui ont quand même certains revenus, eux, ils ont beaucoup plus de difficultés d'arriver. Le premier quart du 20e siècle a commencé en Lyon pour l'économie canadienne, mais en 1913-14, l'économie canadienne est essoufflée. Les investissements tombent, on est en récession. C'est une réalité qui n'a pas été ressentie aussi durement dans le Canada central, où l'activité économique est plus diversifiée et plus auto-centrée que dans l'Ouest, où on a fini la première vague de construction d'infrastructures. Cette économie nouvellement urbanisée des prairies canadiennes est très vulnérable. C'est le chômage général dans les villes de l'Ouest. On a réduit le nombre des cheminots de plus de 50 000 et le gros des coupures d'emploi a été effectué dans l'Ouest. Mais la demande accrue pour les céréales dans l'Empire, en guerre, une demande qui va faire doubler les exportations de blé entre 1914 et 1917, ceci conjugué à une mobilisation très forte de la population des prairies pour les forces armées, le cinquième des effectifs de l'armée canadienne viendra des prairies à ce moment-là, cela va pouvoir faire dire à John Thompson, un historien à l'Université McGill, que c'est la guerre qui a sauvé l'Ouest de la dépression. Juste avant la Première Guerre mondiale, il y avait une dépression dans l'Ouest. Il y avait presque une crise des mêmes proportions que les années 30 et que seulement la guerre a sauvé l'économie de l'Ouest. Il faut se rappeler qu'il y avait aussi la construction des chemins de fer et la construction des villes eux-mêmes, Calgary, Winnipeg, Vancouver, Saskatoon, Regina. Et quand la construction a terminé, il y avait une base d'activité économique dans les villes. Le secteur de construction, c'est très vulnérable au changement international. Est-ce que, M. Thompson, ces économies de l'Ouest sont urbanisées à différents degrés autour des années 1910-1913? Est-ce qu'on a des différences de structure dans ces économies-là qui feraient qu'on pourrait penser à des degrés de développement économique qui seraient très différents entre ces quatre provinces? Oui, il y a des grandes différences, évidemment, entre l'Ouest maritime, c'est-à-dire la Colombie-Britannique, et l'Ouest des Prairies. Et il faut toujours discerner les différences. Le census de 1911 a indiqué que la Colombie-Britannique est la province la plus urbanisée, disons, au Canada. C'est à cause des communautés autour des ressources naturelles, les villes autour des mines, autour des moulins à scie. Et sur les prairies, c'est presque 70% de la population qui est rurale et agriculturelle. Seulement Winnipeg est vraiment une grande ville, dans le sens de grande ville, avec une population de plus de 100 000 personnes. Mais même à Winnipeg, l'économie est orientée vers l'agriculture, le service pour l'agriculture. Il y a des manufactures, mais le secteur n'est pas très vaste. La Première Guerre mondiale va donner un coup de fouet à l'économie canadienne, non seulement parce que la demande pour les produits canadiens de l'extérieur va augmenter, mais aussi parce que l'effort de guerre va agir comme pôle de croissance économique. Il y aura, par exemple, des contrats pour $1 milliard de munitions donnés par l'Imperial Munitions Board entre 1914 et 1919. On va aussi voir le gouvernement commencer d'intervenir dans l'économie, de réglementer, et aussi commencer de développer certains instruments fiscaux modernes. Paul-André Linteau. Le stimulant principal de la Première Guerre a été du côté de la production agricole. Le blé dans l'Ouest, bien sûr, l'élevage des animaux dans l'Ouest, mais également sur l'ensemble de l'agriculture canadienne, y compris l'agriculture québécoise. Alors, les pressions du gouvernement canadien pour stimuler la production agricole ont eu un effet chez les agriculteurs québécois. Beaucoup d'agriculteurs ont, à ce moment-là, investi dans leurs terres, ont acheté de la machinerie, de l'équipement, et ce sont des années prospères pour les agriculteurs québécois que les années de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale aussi crée une première occasion d'intervention gouvernementale dans l'économie. Et c'est l'occasion d'imposer pour la première fois, de créer l'impôt sur le revenu, dont on nous annonce en 1917 qu'il sera aboli dès la fin de la guerre, une promesse qui n'a jamais été tenue. Et le gouvernement fédéral doit de plus en plus, pour payer ses nombreuses dépenses de guerre, faire appel à l'épargne privée, faire des emprunts de guerre. Et c'est là qu'on voit apparaître l'ancêtre de nos obligations d'épargne gouvernementale, que sont les bons de la victoire. Ça commence pendant la Première Guerre mondiale. Et le gouvernement, bien sûr, doit intervenir pour donner la priorité aux usines, aux entreprises qui produisent pour des fins militaires. Mais c'est certainement beaucoup moins poussé comme contrôle de l'économie que ce qu'on verra pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors là, il n'y a presque pas de comparaison. C'est la première fois que le gouvernement canadien se trouve confronté à une situation de guerre, contrairement aux gouvernements européens qui sont beaucoup plus habitués à ça. Et on sent une certaine impréparation, un manque de qualification du personnel politique canadien et du personnel administratif pour répondre à ce genre de situation. D'ailleurs, dès la fin de la guerre, le gouvernement canadien est un peu effrayé par le niveau d'endettement qu'il a dû encourir pendant la guerre et on se dépêche de se retirer de toute intervention étatique. On veut revenir à la normale d'avant la guerre, donc redonner au secteur privé toute sa place. Et les éléments de contrôle gouvernemental qui avaient été mis en place pendant la guerre sont très rapidement abandonnés. Et la grande préoccupation du gouvernement, c'est de laver cette dette publique qui a été constituée pendant la guerre. Et c'est vraiment la crise des années 30 qui va être beaucoup plus significative comme changement dans l'attitude gouvernementale et dans le rôle du gouvernement dans l'économie. Je pense qu'on a plutôt vu la première guerre comme un phénomène temporaire qui ne devait pas changer l'ordre des choses, ne devait pas amener à une intervention croissante du gouvernement dans l'économie. Effectivement, après la guerre, la préoccupation, c'est de revenir à la normale. Cet espoir, cette volonté d'un retour à la normale, ils vont s'avérer assez naïfs. Le gouvernement a financé la dernière portion de l'effort de guerre en imprimant beaucoup de monnaie. Le coût de la vie a augmenté de 100% au Canada entre 1914 et 1919. Et avec la fin de la seconde décennie du XXe siècle, commence une longue période de ralentissement économique, ralentissement dans le niveau de l'activité économique dans l'économie atlantique, une période de ralentissement qui ne va finir qu'à la fin des années 30. L'intervention gouvernementale va devenir, à la fin de cette période, la nouvelle norme. Dans les quatre prochaines émissions, nous parlerons de la socio-économie canadienne pendant cette période de ralentissement économique dans l'entre-deux-guerres. Les personnes qui désirent se procurer les textes de cette série d'émissions peuvent les obtenir en écrivant au service des transcriptions et dérivés de la radio, Société Radio-Canada, case postale 6000, Montréal H3C 3A8. À la recherche, Wayne Smith et Ron Meng. Conseiller musical, Martin Pagé. À la technique, Pierre Hébert. Assistante à la production, André Giguère. Texte et entrevue, Gilles Paquet qui vous parle. Histoire économique du Canada est une émission de Jean-Claude Labrecque.